sans jamais sponsoriser la connerie. Non, juste refléter ce qui chaque nuit nous pousse à l'écrit. Ici on bâtit l'édifice qui fera office de forteresse pour tout ce que la justice et le pouvoir délaissent. On détache ces laisses qui nous maintiennent prisonniers du système. Et souvent face à la police, ça devient un problème. Et c'est partout la même chose, la même scène qu'on répète. Casquette, basket, pas grand chose dans la tête. Ils nous ont mis une étiquette avec dessus marqué bouffonnerie. Des MJ c'est pourri, des murs en toile pour nos graffitis. Aujourd'hui on tourne plus de bombes, non mec, la mairie les fournit. Et tout le monde est heureux, c'est le paradis. Tant qu'il y aura cette manipulation, cette récupération, mes interprétations revendiqueront ma position. Donc pour l'éducation que je remets à sa place, l'art de rue ne s'apprend pas dans une classe. En principe, tout le monde est parlé de principe. Nous avons avancé sur un domaine, la musique. Beaucoup ont vu la lueur de la scène et ne manquaient de haine. S'investiront le temps et jeter sans gêne. Les choses évoluent, les heures et les années qui passent. Ont-ils considéré ça comme une menace? Agis de toutes tes faces sans pour autant rester efficace. Placé dans la mâche et les mots qui terrassent. Sans peur et sans reproche, je ne fais pas office d'audimat. Je marque mon impact, pack, pack dans les packs. Avancer dans le temps, les gens restent différents, indifférents. Mais peu importe, je vais de l'avant, de l'avant. Ma femme s'emballe au rythme des cymbales. Comme le saltimbanque, j'avance dans la salle. Fais briller les mots avec brio, c'est chaud. Les tensions montent très haut pour atteindre le niveau. Hip-hop, nation. Ouais, sans concession. Hip-hop, nation. Nation, sans concession. Hip hop, nation. Sans concession. Je fais ma révolution, mets tous mes combats de front. Avec autant de passion que Bembata en a pour la Zulu Nation. Les Black Panthers 5% qui mènent encore la lutte. On est tous du même sang dès qu'il s'agit d'aller niquer les putes. Pour foutre à terre les bullshit qui font du rap produit. Que tu écoutes à fond sans rien comprendre à ce qu'ils disent. Tu cours un retour aux sources, un retour aux valeurs. Beaucoup de jeunes autour de nous s'élèvent dans l'erreur. Faut contrôler le business pour éviter les flops. D'ailleurs va tous ceux qui s'engraissent dès qu'ils passent à Skyrock. Je boycotte cette récupération. Il fut un temps où cette radio ne passait pas un son. Mais faites attention à la manipulation. Les mass médias n'ont qu'un intérêt, celui du pognon. Hip hop, hip hop. Hip-hop, hip-hop, sans concession. Cette leçon s'applique avec un peu de raison. Beaucoup de passion, hip-hop pour la vie et sans concession. Hip-hop, hip-hop, pour hip-hop nation. Pour la nation. Hip-hop, hip-hop, nation. Hip-hop, hip-hop, sans concession. Hip-hop, hip-hop, nation. Hip-hop, hip-hop, sans concession.